Nous allons commencer la saison en vous parlant d'une mission spatiale toute particulière qui a débuté il y a 10 ans et qui connaîtra son aboutissement bientôt. Il s'agit d'une sonde spatiale appelée Rosetta qui a été envoyée dans l'espace pour explorer une comète, la comète 67P. Après avoir parcouru 6 milliards de kilomètres depuis la Terre, la sonde s'est placée en orbite autour de la comète en août dernier et en novembre prochain, un module d'atterrissage se posera sur la comète pour en étudier la composition et les changements au fur et à mesure qu'elle va s'approcher du Soleil. Alors, pour nous parler de cette mission, je reçois Jean-René Roy, astrophysicien et professeur émérite au département de physique de l'Université Laval. Jean-René Roy a aussi dirigé des programmes de recherche internationaux et a coordonné le développement de grands télescopes à Hawaï, au Chili et en Nouvelle-Zélande. Bonjour Jean-René Roy. Bonjour. Alors Jean-René, on parle ici d'un projet $1 milliard, si je ne m'abuse, qui est dirigé par l'Agence spatiale européenne. Quel est l'objectif fondamental de cette mission spatiale? Pourquoi est-ce qu'on envoie une sonde en orbite autour d'une comète et en quoi ça va servir la science ou l'humanité? Les comètes sont des objets intéressants. Ils sont petits, en fait, contrairement à beaucoup d'autres objets astronomiques. Leurs dimensions, on les mesure en kilomètres. Okay. Donc, ils ne nous paraissent pas vraiment impressionnants d'un point de vue astronomique. Sauf que leur nature peut nous révéler beaucoup de choses sur, entre autres, la formation et l'évolution du système solaire. Donc, si on revient, il y a 4 milliards 600 millions d'années dans le passé. C'est-à-dire lors de la formation du système solaire. Exactement. Ce qui s'est passé finalement, les meilleures hypothèses et bâties sur des principes physiques, c'est que le système solaire est le résultat d'une condensation d'un grand nuage de gaz et de poussière interstellaire qui a formé probablement plusieurs étoiles, dont le Soleil et son cortège de planètes. Et ça s'est fait assez rapidement sur une échelle astronomique, quelques millions d'années. Donc, on parle, et c'est ce qui s'est passé il y a plusieurs milliards d'années. Et la première phase était de former des grumeaux à partir de ce gaz. Et ces grumeaux sont devenus véritablement ce qu'on appelle des planétoïdes, des petits morceaux de gaz, de différents minéraux comme le carbone, le silicium, mais aussi de plusieurs éléments qui seraient à température ambiante volatile et à température plus basse des glaces. Donc, les comètes, en fait, sont ce genre de restants de cette phase de formation qui contient les matériaux de base qui ont donné les matériaux rocheux qu'on connaît bien sur Terre, d'autres matériaux qui sont les matériaux d'ordre plus volatile, qui sont les glaces à basse température, et les comètes les emprisonnent bien. On pense que, finalement, les comètes, nous, sont des restants qui sont aux limites du système solaire à une distance de l'ordre d'une demi à une année-lumière. Okay. Donc, il y a un réservoir qu'on estime à peu près à 100 milliards de ces blocs de quelques kilomètres de diamètre. Qui orbitent autour du Soleil. Qui orbitent comme une grande coquille autour du Soleil. Ils sont dans le champ gravitationnel du Soleil. De temps en temps, on a des étoiles proches qui viennent un peu brasser la famille et certaines tombent en quelque sorte vers le Soleil parce que leur orbite est dérangée. Et les comètes, la plupart qu'on observe, en fait, sont de ces comètes qui se sont décrochées, ne sont plus dans, et qui sont venues finalement se mettre dans des orbites qui sont à peu près entre le Soleil et la planète Jupiter ou la planète Neptune. Et généralement, ces comètes vont être des comètes récurrentes, comme la comète de Halley ou la comète 67P, qui revient à peu près à tous les 6 ou 7 années. Donc, on veut les étudier parce que on veut y retrouver des signes de l'origine du système solaire, comment c'était cette matière de base. OK, retrouver finalement des conditions initiales, finalement, lors de la formation du système solaire, quoi. Mais en fait, une comète, c'est quoi la vie d'une comète, en fait? Oui, la vie d'une comète, c'est intéressant parce que... Comme vous dites, ça tourne, en fait, autour du Soleil. Parce que c'est beaucoup, j'ai insisté, c'est beaucoup de glace, etc. Donc, quand elles sont loin du Soleil, pas de problème, les températures sont proches du zéro absolu. Ah oui, à ce point-là? Ah oui, très, très froid. Très, très froid. Et même quand elles sont à la distance de Jupiter, leur température est de l'ordre de peut-être de moins 240 degrés Celsius, donc c'est gelé bien dur. Sauf que quand la comète s'approche du Soleil, le chauffage solaire... va les faire fondre, se volatiliser, et c'est à ce moment-là que les comètes prennent leur allure très spectaculaire avec leur queue, leur chevelure, et qui, historiquement, ont terrorisé certaines gens, en fait. Donc, la comète, en fait, elle est active à ce moment-là, et tout ce processus de fonte, d'évaporation et de sublimation, et à peu près tout s'y passe. C'est ce qu'on appelle le dégazage. Dégazage, c'est une partie et sublimage, va faire en sorte qu'une comète comme 67P ou une comète de Halley va survivre ses passages proches du Soleil pour une cinquantaine d'orbites. Elle va littéralement fondre et disparaître. Okay. Donc, la vie d'une comète, pour répondre, quand elle est tombée à l'intérieur du système solaire, ne sera que de peut-être à peine 1 million d'années, et les passages successifs vont littéralement la faire fondre et la détruire. OK. Mais jamais qu'une comète, on sait évidemment lorsqu'elle passe proche du Soleil, effectivement, il y a des choses qui s'évaporent à cause de la chaleur du Soleil. Puis je pense qu'elle passe assez proche du Soleil. Est-ce qu'elle passe entre Mercure et le Soleil? La comète Rosetta reste assez loin. Prudente, elle reste au-delà de l'orbite de la Terre. Donc, elle est à peu près. Mais il y a beaucoup de comètes qui passent tellement proche du Soleil qu'elles sont détruites. On cet hiver. Et beaucoup de comètes tombent sur le Soleil, littéralement. Ah, bon, leur orbite croise le volume du Soleil, donc elles y disparaissent. Parce que j'imagine aussi, en fondant, leur trajectoire change peut-être aussi? Parce qu'elles perdent la masse, quoi. Et d'ailleurs, c'est un des grands buts de la mission de Rosetta. C'est maintenant, elle va accompagner le long de son orbite. Oui, oui. Et on va... Cette trajectoire va être suivie jusqu'à plusieurs en 2015. En fait, donc il y a plusieurs étapes qui vont se faire. Donc, ça va être justement de suivre la comète de très proche. On est en train d'estimer si on veut être on est à peu près à 30 km en présentement, orbite autour. Là, c'est ça. On est en train de regarder si on va descendre à 20, à 10. Et en novembre, ça va se dégager le petit robot que vous avez décrit qui va venir s'ancrer par un harpon à la surface parce que la gravité est tellement faible qu'on va être sûr qu'il y reste. Et il va mesurer in situ tout ce qui se passe, composition chimique, beaucoup plus détaillée que ce qu'on connaît par des méthodes d'observation par télescope à partir de la Terre ou même à partir de télescopes dans l'espace. Et donc, on aura à la fois le véhicule mère qui va accompagner la sonde et ce petit robot à la surface qui va faire les analyses. Donc, c'est une expérience pour mieux comprendre ce qui se passe en détail lorsqu'une comète s'approche du Soleil. Mais elle va rester suffisamment loin pour ne pas fondre complètement et surtout ne pas être avalée par le Soleil. OK. Et dans la trajectoire, en fait, qu'elle parcourt autour du Soleil, lorsqu'elle... En fait, s'éloigne du Soleil, lorsqu'elle retourne en fait au loin, est-ce qu'elle se recharge de matière? Non. OK, elle ne grandit plus en masse. Non, la comète est trop petite pour accumuler la masse. Et d'ailleurs, c'est tout un défi de s'être arrangé pour que la comète capture gravitationnellement la sonde Rosette. Et ce sera la même chose pour faire quelque chose. Si vous étiez un jogger ou un marcheur, vous devriez faire très attention pour ne pas faire un saut trop grand parce que vous seriez finalement éjecté de la comète. OK. Mais si on revenait à notre question initiale, finalement, à quoi ça sert quand même d'étudier cette comète-là? À quoi ça sert de se retrouver dans des conditions initiales du système solaire? Une des grandes questions qu'on pose, c'est l'origine de l'eau sur Terre. Oui, effectivement. Parce que l'intérieur du système solaire, le système solaire en général est riche en eau. Les grosses planètes, leur composition est de 10% d'eau. Les planètes intérieures, comme la Terre, Mercure, Vénus et Mars, sont des planètes, c'est surprenant de le réaliser, arides. La Terre a très peu d'eau. La Terre est une planète aride. À peine un dixième de pourcent de sa masse est de l'eau. Et la majeure partie en surface, comme on peut le réaliser. Oui, c'est fait. Et cette eau, en fait, elle n'était pas initialement lors de la formation de la Terre. Non, parce qu'effectivement, la Terre était une planète chaude et aride, déserte. Et les conditions internes du système solaire ont fait que tous ces volatiles, ces glaces se sont sublimées et se sont échappées. Dispersées, c'est ça. Donc, l'eau a été livrée. Okay. Et non pas en bouteille, mais elle nous a été livrée par quelque chose. Et les deux candidats possibles d'où on aurait pu acquérir l'eau sont les astéroïdes, qui sont des blocs rocheux, vestiges de la phase ultérieure de la formation des planètes, qui surtout les astéroïdes qui orbitent entre la Terre et Mars, dans la ceinture principale d'astéroïdes, et l'autre, ce sont des comètes, l'autre source possible. Le problème jusqu'ici qu'on trouve, c'est que les comètes ne peuvent pas être les véhicules qui nous ont donné l'eau, parce que leur eau a une composition trop riche en l'atome d'hydrogène sous sa forme isotopique qu'on appelle l'eau lourde ou le deutérium. Donc, les comètes ont une eau qui est deux à trois fois plus riche en deutérium ou en eau lourde que l'eau de nos océans qui sont la forme dominante de l'eau sur Terre. Okay. D'autre part, les observations qu'on a faites maintenant de météorites tombés sur Terre et d'observations spectroscopiques de certains astéroïdes qui de temps en temps se comportent comme des comètes montre que l'eau qui existe peut-être en moins grande quantité sur les astéroïdes a la même composition isotopique, c'est-à-dire le rapport d'eau lourde à eau légère est le même. Donc, mais il y a quand même tellement de comètes que on ne peut pas éliminer la possibilité qu'une fraction de l'eau ait pu être contribuée par les comètes. Donc, une des grandes questions qu'on veut comprendre, c'est est-ce que la composition des glaces d'eau des comètes diffère tant que ça de la composition de notre eau? Et aussi, les comètes portent des matériaux organiques assez importants. Okay. Et il y a même certaines hypothèses qui disent que la vie sur Terre, en fait, n'est pas née sur Terre, que la vie, on aurait été ensemencé par des matériaux organiques et même de forme avancée provenant des comètes. Quoique, il serait très surprenant qu'on trouve sur les comètes, ou surtout dans le cas de Rosetta, une forme dite de vie comme telle, parce que d'abord, les instruments ne sont pas assez précis pour analyser ce genre de choses. Et personne ne croit encore beaucoup à cette hypothèse que certains considèrent un peu farfelue, mais qui est quand même intéressante, qui est sous le nom de panspermie. La vie se promène dans l'univers et elle tombe où elle peut arriver et féconder quelque chose. Et quand vous parlez de molécules, en fait, complexes, est-ce qu'on parle d'acides aminés? La forme d'acides aminés la plus simple qu'on retrouve dans l'espace interstellaire, déjà dans les matériaux qui vont former les comètes, dont les comètes sont les résidus, c'est la glycine, par exemple. OK. C'est la plus abondante, je pense. C'est un acide aminé qui est assez abondant. Mais on n'a aucune évidence à l'heure actuelle que les formes prébiotiques, on appelle, soient très avancées. Mais les comètes sont vraiment les endroits pour explorer cette question jusqu'où la chimie prébiotique peut avancer dans des conditions interstellaires. Donc, si je comprends bien, cette mission-là pourrait peut-être essayer de tenter de répondre à cette question-là concernant la provenance de l'eau ou de la vie, peut-être? En fait, ça peut être parmi toutes les questions qui sont posées, que les chercheurs se sont posées en définissant, en faisant le design et en construisant leur instrument. En fait, c'est pour répondre à des questions qu'on se pose. Et moi, je suis à peu près assuré que cette mission, avec le détail des connaissances qu'on va acquérir en ayant une sonde qui reste avec la comète pendant presque 2 ans et un petit véhicule robotique à sa surface, quoi qu'il va rester au même endroit, on va avoir de nouvelles questions. Je m'attends à des découvertes probablement assez surprenantes sur justement la complexité de la chimie possible Sur la comète. Et est-ce qu'on va étudier aussi la chimie du dégazage de la comète? Oui, absolument. Probablement aussi. Surtout, d'ailleurs, la crainte qu'on a, pour ça qu'on ne veut pas trop s'approcher, parce que ce dégazage, si vous regardez des images sur le site Internet de la comète, elle est plutôt, ça fait peur, un peu comme style de terrain, on a l'impression. Ah oui, en termes de forme, là? Oui, c'est un peu comme la crêpe dans votre poêlon qui a explosé. C'est ça, c'est très irrégulier. Donc, justement, la comète dégaze et tout? Est-ce qu'il y a des bulles chauffées explosion, etc.? Donc, on veut étudier le processus de dégazage en se tenant à une certaine distance, en souhaitant que le petit véhicule sur la surface ne sera pas envoyé comme un bouchon d'une bouteille de champagne dans l'espace, ce qui pourrait arriver, en effet. Donc, tout est un petit peu de l'inconnu, mais la prouesse extraordinaire de l'astronautique contemporaine d'avoir d'abord amené Rosetta tout proche de la comète. Et maintenant, souhaitons avec succès atterrir ce petit module en novembre. Moi, je trouve ça quelque chose d'absolument fascinant. Oui, d'un point de vue scientifique, parce que je pense qu'il y a encore des choses qui ne sont pas encore déterminées. Je pense que le point d'atterrissage n'est pas encore choisi, non, je pense. Non, on veut trouver justement pour éviter l'effet du bouchon de bouteille de champagne. Ah, OK, c'est pour ça. Okay. Et on voit aussi, si vous regardez les images sont très intéressantes à regarder. Vous allez voir que... la surface n'est pas lisse. Il y a beaucoup de... Mais vous allez voir qu'il y a des genres de blocs de assez gros, probablement quelques centaines de mètres, qui semblent comme être... qui ont peut-être déboulé de certaines pentes et qui semblent dans le fond. Donc, il y a des choses assez complexes qui se passent quand une comète se démolit, surtout à son passage proche du Soleil, au périhélie. Et évidemment, tout ça va être observé, j'imagine. Oui, probablement en temps réel. On peut peut-être s'attendre à voir des petites vidéos qui vont nous montrer des morceaux, des pans de flancs de comètes qui descendent. Donc, je me pose la question sur la survie de ce petit module à la surface. C'est un fait. Et d'ailleurs, toute la mission, en fait, gravite autour de la comète P67P, c'est-à-dire qu'on appelle aussi Churyumov-Gerasimenko. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on a choisi cette comète-là en particulier, ou c'est simplement le fruit du hasard? En fait, la première comète était une autre comète dont je me souviens plus du nom. Et cette comète-là, c'est intéressant parce que C67P était choisi comme deuxième candidat. Et en fait, c'est toute une combinaison de choses. La mission a été retardée pour son lancement. Donc, il a fallu oublier la première comète. Il fallait en trouver une aussi qui venait pas trop proche du Soleil. Donc, et d'ailleurs, je me souviens, moi, quand j'étais à Gemini, justement, on nous avait demandé d'essayer de prendre des observations de cet objet qui était au-delà de Jupiter. Donc, d'une faiblesse lumineuse extrême. Donc, on avait besoin d'un très grand télescope comme celui qu'on opérait à Hawaï. Et en fait, c'était pour nous impossible à observer parce que la comète, on pouvait la voir seulement le matin au moment du lever du soleil. Donc, le choix s'est fait, si je me souviens bien, je pense peut-être avant le lancement en 2004, mais je suis pas tout à fait sûr. Donc... mais il y a quand même un certain nombre de comètes, donc on n'était pas à court de comètes. À court de comètes, il y en a, OK. Et tout à l'heure, vous en parliez un petit peu, mais est-ce qu'il va y avoir des retombées scientifiques de cette mission? On le souhaite. Oui, tout le monde. Je suis certain qu'il va... la seule expérience, on a quelques missions qui sont rapprochées de comètes. En 2005, les Américains avaient la mission Deep Impact, où on a... une partie, un petit bolide, s'est détaché de la mission Deep Impact et est allé frapper la surface pour explorer justement le phénomène, la dureté de la surface et des choses comme ça. On a tiré un boulet sur la comète. C'est ça. Mais c'est quelque chose qui est une première. On a atterri sur la Lune. On a atterri sur Mars, on a atterri sur Mercure, on a atterri sur une lune de Saturne, sur Titan et tout. Donc, on n'a pas fait beaucoup d'atterrissage, sauf sur Mars et la Lune, évidemment. d'atterrir sur une comète, c'est quelque chose, le corps comme tel, sa nature, comme je l'ai décrit au début, est complètement différente. C'est quelque chose qui n'a pas subi vraiment d'évolution géologique. Pas de tectonique des plaques dans cet endroit-là. Pas d'effet d'atmosphère. Pas d'érosion normale, sauf ce phénomène d'érosion par la chaleur, la lumière du soleil, qui est assez unique. Donc, des résultats qui vont être sûrement intéressants, et je pense, vu que je vais revenir mensuellement, je vais tenir notre audience informée de ce qui va se passer, quitte à ce que ce soit de petites bribes chaque fois. Donc, c'est à suivre. Et sur Internet, si vous voulez en voir et en savoir plus, il y a Wikipédia, comme toujours. Il y a un très bel article. Il est en anglais. Malheureusement, peut-être qu'il y a une traduction française. Oui, je l'ai vu en français. Donc, il est en français. Et aussi, le site de l'ESA, donc ESA pour European Space Agency, .org, qui est très bien. Mais vous êtes habitué à fureter, donc les gens intéressés. Il y a une quantité de détails, une quantité d'informations absolument formidable. Et pour terminer, Jean-René Roy, quand la comète sera à nouveau de passage dans 6 ans et demi, est-ce que l'atterrisseur va être encore dessus et en fonction? Non, et je ne crois pas qu'il ne soit en fonction. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'il soit encore dessus et que Rosetta soit encore lié orbitalement. À la sonde. OK, parce qu'il n'y a rien de prévu pour l'en détacher et la ramener. En fait, c'est une bonne question. Je vais essayer de rechercher quelle est la projection de longue durée de cette mission. Écoutez, merci beaucoup, Jean-René Roy, d'être venu à Futur 5 pour nous parler de ce projet captivant. Et on va s'en reparler on se revoit de toute façon dans 4 semaines, je crois. Ce fut un grand plaisir. Merci infiniment. Alors, nous allons poursuivre en musique avec une pièce tout à fait appropriée, une œuvre de David Bowie, interprétée et enregistrée il y a un peu plus d'un an par l'astronaute Chris Hadfield, au moment où il se trouvait en orbite autour de la Terre, dans la Station spatiale internationale. Évidemment, je parle de la pièce Space Oddity. À tout de suite. C'est bon.